Trop longtemps que je suis dans l'ombre. Je suis fier de moi mon frère. Pourquoi avoir honte? Je suis ailleurs, j'ai même plus le temps de les calculer. J'ai des valeurs mais je te zappe si tu fais l'enculé. Je suis dans ma paranoïa. Oh, paranoïaque. Oh, t'es pour mon poteau. Joue pas le mec gentil. Tu sais ce que t'as fait, ensemble on n'a pas grandi. Je suis dans un autre monde. Je tournerai pas la veste à ceux qui croient en moi. C'est drôle, je sens la poisse à chaque seconde. On m'a dit t'arriveras rien, tu restes tout le temps droit. Je tourne avec mes potes ailleurs, oui loin d'ici. On se la pète pas, fais pas genre on se mélange pas. Laissez-nous faire nos lives, on est dans un autre monde. En roulant, on dit ça jusqu'à l'aube. On rêve de bouger de l'ice qui vit les Schmitt et leur monde. Rien que d'y penser, tout ça, ça me hante. Faut pas décoller, on se connaît. T'es en train de couler, nous on pense à décoller. Faut pas décoller, on se connaît. T'es en train de couler, nous on pense à décoller. Sosomane et Jules Deter, on est de la planète Jupiter. Dans le game de people, la concurrence, je la laisse par terre. Everybody know, I'm a motherfucking monster. Je les écoute, la Easter, je le faux, je te touche frère. Tu m'aimes pas Merlich, j'ai le numéro de ta sister. Rends pas fou, je fais pas de fit, même si t'insistes. Comme un bon flic dans la bac nord, tu n'existes pas. Suis tes rêves, fais les bons choix, surtout n'hésite pas. Alors ce soir je me saoule en espérant noyer mes soucis. Si je t'ai raté petit bâtard, la chance au coup, si donne-moi une ville à une piscine. Toi critiquer, je dis ta cousine. Fais pas le kit, je sais très bien que ton merco c'est un leasing. PJ, ring ring, perquise, j'équile. Cavale, exil, serrage, asile. Marseille, ma ville, Liga One les best. Bitches, on est pas docile. Laissez-nous faire nos lives, on est dans un autre monde. En roulant, on redit ça jusqu'à l'aube. On rêve de bouger de l'ice qui vit les Schmitt et le ronde. Rien que j'y pensais, tout ça, ça me hante. Faut pas décoller, on se connaît. T'es en train de couler, nous on pense à décoller. Faut pas décoller, on se connaît. T'es en train de couler, nous on pense à décoller. Je suis pas comme vous, je viens de loin. Trafiquant, bruit, frérot, c'est mon quotidien. Me rends pas fou, je me mélange pas. Depuis quand t'as vu le loup rôder avec des proies. Marseille c'est ma ville, toi j'ai pas quitté. Dis-nous comment à la barre t'es toujours acquitté. Trafic illicite, vécu dramatique.